Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. La Syrie incarne aujourd'hui l'enfer sur Terre et rien n'y fait, tout se passe comme si nous étions complètement impuissants face à ce massacre, malgré les déclarations des uns et des autres. Comment a-t-on abouti à un tel échec humanitaire? On écoute le témoignage d'Obeda El Mufti, vice-président de l'Union des organisations de secours et de soins médicaux, sur ce qui est en train de se dérouler à la Ghouta orientale. La situation, vraiment, c'est catastrophique, c'est l'enfer. Il y a les bombardements presque en continu. On a eu quand même cet espoir avec la résolution du Conseil de sécurité d'arrêt du feu. Malheureusement, les bombardements n'ont pas été arrêtés complètement parce que dans la résolution, ils n'ont pas dit l'arrêt immédiat, ils l'ont dit le plus tôt possible. Il faut vraiment des couloirs humanitaires neutres et vite, et numéro un, ils ont besoin vraiment que les bombardements s'arrêtent. C'est un massacre, c'est une politique de terre brûlée. Je ne vois pas une guerre ciblée contre un groupe terroriste dans l'Europe. Frédéric Ancel, vous enseignez la géopolitique notamment à Sciences Po. Vous avez publié Mon dictionnaire géopolitique aux presses universitaires de France. Les Occidentaux vont-ils intervenir en Syrie? Les Occidentaux n'interviendront bien sûr pas en Syrie. Si d'ailleurs, je dis bien sûr parce qu'on a affaire à une espèce de tragédie shakespearienne. C'était joué d'avance pour une raison simple, c'est que d'une part, on ne veut pas s'affronter aux Russes. Or, depuis la reculade catastrophique de Barack Obama en 2013, hein, vous en souvenez, il s'agissait déjà de cette crise dite des gaz neurotoxiques. Eh bien, depuis cette reculade, les Russes ont considérablement renforcé leur présence sur place, notamment par voie aérienne. D'ailleurs, on le voit tous les jours. Donc, on ne veut pas s'affronter aux Russes. Ça, c'est une menace qui nous fait très peur. Et d'autre part, on n'interviendra pas parce que nous n'avons plus la volonté, même les Américains d'ailleurs, hein, d'envoyer des troupes au sol. Or, si vous n'envoyez pas un minimum de troupes au sol, eh bien vous ne pouvez pas arrêter le siège catastrophique de la Ghouta, par exemple, hein, entre autres cas de figure désastreux. Alors on va réussir à envoyer des humanitaires? Alors les humanitaires, on les enverra éventuellement dans la simple et stricte mesure, qui n'est pas évidente d'ailleurs, hein, où il y a effectivement de véritables corridors humanitaires. Mais pour qu'il y ait corridor humanitaire, il faut qu'il y ait acceptation des combattants et notamment de Bachar el-Assad. Et pour que Bachar el-Assad accepte, ou plus exactement, pour qu'il soit contraint d'accepter, eh bien, il faut que Monsieur Vladimir Poutine, dont Bachar el-Assad est le protégé, l'obligé, le sauver, en quelque sorte, l'accepte lui-même. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Monsieur Macron et Mme Merkel ont tenté d'exercer des pressions amicales sur Poutine pour qu'il fasse cesser ce massacre et pour qu'il l'autorise ces fameux corridors humanitaires. Alors, expliquez-nous, Frédéric Ancel, pourquoi ces protagonistes, les Syriens, en tout cas Bachar el-Assad, Vladimir Poutine, ont laissé cette catastrophe se dérouler? Parce que c'est ça, en fait, qu'on comprend pas du tout, quoi. Alors, quand vous dites Bachar el-Assad a laissé la catastrophe se dérouler, il l'a très largement provoqué. C'est-à-dire que le printemps arabe... Oui, vous avez raison. Oui, c'est lui, voilà. Évidemment, qui est le principal criminel là-dedans. Voilà, c'est ça. Et vous avez raison, employez ce terme, hein. Je l'assume tout à fait. Puisque là, on a vraiment affaire non seulement à des crimes de guerre, mais manifestement à des crimes contre l'humanité qui sont, comme vous le savez, imprescriptibles en droit international. Donc au début du printemps arabe syrien, fin 2011, on a affaire à un Assad fils qui se comporte comme Assad père, Hafez, qui était arrivé au pouvoir en 70, et qui va... qui va de manière effectivement absolument criminelle dans la répression et cela à haute dose et incandescence. Et à partir de 2013, lorsque Assad a été en très très mauvaise posture, hein, il s'est retrouvé face à l'opposition et notamment face aux djihadistes à la limite de la chute, eh bien l'Iran et le Hezbollah sont intervenus, mais surtout les Russes, comme je le disais il y a un instant. Donc aujourd'hui, Vladimir Poutine a envie de transformer l'essai. Ça signifie quoi? Il l'a emporté sur le plan militaire. C'est-à-dire que son protégé a été défendu, il a conservé son seul allié, hein, sur ces deux grands bassins géostratégiques que sont la Méditerranée et le Moyen-Orient. Donc je rappelle que la Syrie est alliée de l'URSS déjà depuis 1953, hein, et que la Russie n'a jamais abandonné son seul allié dans la région. Donc ça, il a gagné. On l'a vu il y a un an à Alep également. Donc les bombardements russes ont été efficaces en quelque sorte. Mais maintenant, comme vous le savez très bien, après une victoire militaire, il faut que la victoire politique, donc sur les tapis verts des diplomates, soit obtenu. Et pour ça, il faut une capitulation des rebelles, parce qu'à la Ghouta, il n'y a pas que des civils quand même, il y a des rebelles. Et tant que cette capitulation n'a pas lieu, eh bien Poutine prend son temps, Assad a fortiori, peu importe ce qui se produit pour la population civile. Ce que ne comprend pas Frédéric Ancel, c'est qu'on se dit qu'aujourd'hui, aucun être humain normalement constitué a intérêt à bombarder des populations civiles. Qu'est-ce que cherche Assad ? Expliquez-nous pourquoi cet homme a aujourd'hui décidé délibérément de faire preuve de la plus grande cruauté. Je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'il se venge d'avoir eu peur. Alors, vous connaissez parfaitement, et vos auditeurs aussi, je pense, cette formule. Il a failli chuter, Assad, et il a besoin, vis-à-vis de son, alors, de ce qui reste de son opinion publique, en tout cas, des gens qui lui ont été favorables jusqu'à présent, et c'est quand même une partie des Syriens, notamment dans les villes, à Damas, tout particulièrement. Il a besoin de démontrer que la victoire est totale, et qu'il n'a pas failli, et qu'il n'a pas tremblé. D'autre part, Assad père et fils, mais d'ailleurs c'est vrai aussi des prédécesseurs en Syrie depuis l'indépendance de 1946, ont toujours exercé le pouvoir en employant la dernière des violences, y compris contre les civils. On pourrait revenir au massacre de Hama en 82 et 83, et je vous fais grâce de ceux qui ont émaillé l'histoire de ce pays dans les années 50, 60 et 70. Et puis troisième raison pour laquelle Assad n'arrêtera pas, elle est plus récente, elle tient là encore au printemps arabe, je le disais il y a un instant, c'est la volonté d'écraser définitivement par la force tout type de rébellion. C'est-à-dire que Assad doit pouvoir démontrer qu'il ne tient pas sa survie politique uniquement à ses alliés iraniens, et même russes d'ailleurs, mais que son armée, sa propre armée, qui se trouve quand même... Je rappelle que la Ghouta, c'est exactement à 10 km de son palais présidentiel. Bon. Donc que son armée a fait le job, en quelque sorte, et que, encore une fois, c'est un vrai stratège, c'est un vrai tacticien, et c'est lui qui l'a emporté, et tant pis s'il fallait bombarder des gens qu'il considère comme des terroristes. Et alors, pourquoi les Russes laissent-ils faire ? Les Russes laissent faire parce qu'eux aussi ont un intérêt, en l'occurrence diplomatique, je le disais, c'est le tapis vert des diplomates. Après la guerre, il faut remporter la paix, l'après-guerre. Et pour remporter l'après-guerre, il aura fallu démontrer que son allié, son protégé, donc Assad, l'a emporté totalement sur le terrain, et pas à moitié. Oui, si on s'arrête aujourd'hui de bombarder la Ghouta, aux yeux des Russes, eh bien, puisqu'il reste des rebelles qui tiennent ce territoire qui se trouve, encore une fois, à quelques encablures du palais présidentiel, ça signifie qu'il faudra négocier. Et les Occidentaux pourront à bon droit dire à Poutine, oui, enfin, vous l'avez emporté, mais pas partout, donc dans le futur gouvernement, il faudra bien qu'il y ait aussi un certain nombre de ces rebelles, parce qu'ils ont encore des territoires. Bon. Si vous réduisez totalement les rebelles, quitte à faire des dégâts entre guillemets collatéraux par dizaines de milliers, y compris des gamins, que vous avez chlorés et gazés, eh bien tant pis. N'empêche que, à la fin des fins, sur la carte du front, vous l'aurez totalement emporté. Et c'est pour ça que Poutine continue à jouer la montre et continue à soutenir jusqu'à la fin son protégé Assad. Les Turcs et les Iraniens, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Les Iraniens en pensent beaucoup de bien parce que la Syrie est l'alliée de l'Iran depuis 1979, depuis l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini à Téhéran. Et d'ailleurs, ça a été le seul allié de l'Iran dans le monde arabe. Je rappelle qu'il y a 22 États arabes quand même, le seul. Bon, donc là, on rend la monnaie de sa pièce à Assad, puisqu'à l'époque, donc c'est déjà le père qui est au pouvoir, et on fait mieux que ça. On établit une jonction entre donc l'Iran et la Méditerranée et le Hezbollah libanais chiite, donc pro-iranien, en passant par la Syrie. Donc là, on a un continuum de ces fameux axes chiites. Mais pour ça, il faut et il a fallu et il faut bien évidemment soutenir Bachar al-Assad. Quant aux Turcs, ils sont alors les Turcs sont dans se sont mis dans une situation un peu complexe parce que eux, leur intérêt fondamental en Syrie, c'est de casser, j'allais dire, de casser les Kurdes, de casser la possibilité pour les Kurdes de la Rojava, autrement dit de la partie nord de la Syrie, donc de leur frontière sud, de les empêcher d'obtenir une espèce de souveraineté, c'est pas une espèce d'ailleurs, c'est une quasi-souveraineté, qui d'ailleurs s'établit jusqu'à cette espèce de cordon, j'invite vos auditeurs à regarder une carte, un cordon horizontal qui s'établit pratiquement jusqu'à l'Irak, jusqu'au nord de l'Irak, et quasiment jusqu'à la Méditerranée. Et ces Kurdes, aujourd'hui, sont soutenus par Assad, qui les a d'ailleurs spoliés en leur temps, dans les années 70 et 80, parce que Assad ne veut pas que la Turquie s'établisse militairement dans ce qui reste de son pays. Donc aujourd'hui, si vous voulez, Erdogan s'intéresse pas tant au sort de la population de la Ghouta écrasée sous les bombes d'Assad et de Poutine que des Kurdes qui se trouvent au nord, c'est-à-dire que là on est à une bonne centaine de kilomètres plus au nord du massacre qui est en train de se dérouler à l'est de Damas. Pour Israël, le fait qu'il y ait aujourd'hui le chaos complet en Syrie, ça n'est pas une mauvaise chose. C'est pas si terrible que ça. Parce que vous savez, les Israéliens, ce qu'ils craignent surtout, ce sont les menaces stratégiques, c'est-à-dire vitales. C'est-à-dire un 6 octobre 73, hein, où vous avez là, entre la Syrie et l'Égypte, deux États puissants, centralisés, soutenus par une URSS forte, vous avez 3000 chars à mettre face aux Israéliens. Les Israéliens, ils préfèrent des menaces tactique. Qu'est-ce qu'une menace tactique ? C'est une menace qui n'est pas vitale. Alors c'est le Hamas, c'est le Hezbollah, c'est éventuellement des drones ou des missiles syriens, comme on l'a vu il y a encore quelques semaines sur le territoire ou dans l'espace aérien israélien. C'est gênant, c'est embêtant, potentiellement c'est coûteux en hommes et en matériel, mais ce ne sont pas des menaces vitales. Donc comme le disait François Mauriac, moi j'aime tellement l'Allemagne que je suis très heureux qu'il y en ait deux. Eh bien aujourd'hui les stratégistes israéliens, effectivement, vous avez raison, ne sont pas si mécontents. Alors eux ils sont pour rien, Israël n'est pour rien dans le printemps arabe et dans la guerre civile terrible qui est ce qui prévaut en Syrie. Mais ils sont pas mécontents en tout cas de l'affaiblissement d'un Assad et de la multiplication de l'apparition d'une kyrielle de groupes djihadistes embêtants, c'est vrai, mais pas fondamentalement dangereux. J'ajoute un point important, parce qu'on revient toujours à la géographie lacostienne lorsqu'on fait de la bonne géopolitique. Là, on parle de la Ghouta, hein, donc de Damas, Est, qui se trouve à 45 kilomètres du Golan israélien. Donc nous sommes sur des territoires extrêmement petits, et ce que craignent surtout les Israéliens, c'est l'avancée, c'est la pénétration des installations militaires iraniennes dans l'ouest de la Syrie, donc à quelques pas finalement de leur propre sol. Et les Occidentaux, parce qu'alors évidemment les Occidentaux ils ont une opinion publique et par conséquent ils sont sommés d'agir, ils n'agissent pas du tout, mais en dehors de ça, est-ce que ça leur pose vraiment problème ? Je vais peut-être décevoir certains de vos auditeurs, ça ne nous pose pas tant de problèmes que ça. Vous parlez des opinions publiques, vous avez raison de pointer le doigt dessus, moi je suis toujours très très méfiant sur ce concept. Les derniers, d'abord c'est pas les opinions publiques qui font les opérations politiques ou militaires, pour l'essentiel des cas de figure en tout cas, et les derniers sondages, en France notamment, sont terribles. Hein. Vous avez environ 60, 65, 70% selon les sondages des gens qui sont défavorables. Hein. À une intervention en Syrie. Donc, les opinions publiques, j'allais dire, ont d'autres chats à fouetter, alors pour différentes raisons sur lesquelles on pourrait revenir. La Syrie n'est pas une ancienne colonie. Hein. La France y a été mandatée entre 20 et 45, mais enfin, c'était pas une colonie. Et très, très peu de Français étaient installés, d'une part. D'autre part, le printemps arabe et ses conséquences, bah, quelque part, les opinions publiques sont lassées. Sans doute. Ça fait 7 ans que ça dure, un peu plus maintenant. Et puis enfin, pour intervenir, il faudrait, encore une fois, beaucoup de moyens, et ces moyens, nous ne voulons pas les mettre en œuvre, même si d'ailleurs, il faut saluer la posture française, sans chauvinisme, à la fois celle du tandem naguère constitué de messieurs Hollande et Le Drian, et aujourd'hui Macron-Le Drian, aux affaires étrangères cette fois, qui consiste à dire, nous ne discutons pas avec un bourreau qu'est Assad, et nous faisons la guerre contre les islamistes radicaux de Daesh en Syrie, en quelque sorte comme s'il n'y avait pas Assad. Et j'ajoute que Hollande, en 2013, lui, a accepté de frapper Assad qui venait de bombarder sa population avec des gaz neurotoxiques. C'est Obama qui y a renoncé, qui s'est assis sur sa propre ligne rouge, et aujourd'hui le président Macron, enfin il y a quelques jours de cela, disait lui aussi qu'il y avait des lignes rouges et qu'on ne pouvait pas laisser faire. Et je vous dirais très franchement que je pense qu'il a raison, qu'il ne faut pas laisser faire. Il faut qu'il y ait au moins des lignes rouges pour asseoir sa propre crédibilité, en tout cas en tant que puissance occidentale. Ce qui se passe dans la Ghouta orientale aujourd'hui est clairement, vigoureusement condamné par la France. Car au prétexte de la lutte contre les terroristes djihadistes, le régime, avec quelques-uns de ses alliés, a décidé de s'en prendre à des populations civiles et vraisemblablement à certains de ses opposants. C'est pourquoi la France demande une trêve dans la Ghouta orientale afin de s'assurer des évacuations nécessaires des civils, du maintien, plutôt de la création de tous les accès humanitaires indispensables dans les meilleurs délais. Autre argument qui est parfois utilisé par ceux qu'on appelle les réalistes, Frédéric Ancel, il y aurait dans cette enclave de la Ghouta orientale de vrais terroristes, des membres d'Al-Qaïda, et bref, même si c'est terrible ce qui se passe là-bas, nous disent les réalistes, eh bien, il y a effectivement des gens qui sont des gens avec qui on ne peut pas faire la paix. Qu'en pensez-vous ? Non, mais c'est exact. C'est exact. Hein. Je pense qu'il n'est pas besoin d'être dans l'ultra réel politique, ni dans le cynisme d'ailleurs, pour le constater. Aujourd'hui, vous avez trois principaux groupes de plusieurs milliers de personnes, hein, de plusieurs milliers de combattants, bien armés manifestement quand même. Depuis, parce que le siège de la Ghouta, ça fait quand même 6 ans, ça dure. Hein. Donc ces gens-là, ils vivent toujours, hein, et ils sont toujours armés. Bon, donc c'est qu'ils sont quand même puissants. Et ce sont trois groupes qui fondamentalement sont des groupes islamistes. Hein. L'armée syrienne libre est pratiquement, de ce qu'on peut en savoir, inexistante dans la Ghouta. Alors, ils se partagent entre les salafistes, les djihadistes, Al-Qaïda, des éléments de Daesh. Je vais pas vous les faire dans le détail. Mais ce sont des gens qui ne sont pas sympathiques et qui sont considérés par la France et par l'ONU comme de véritables terroristes, pas seulement par Assad, mais par la communauté internationale. Maintenant, la question est la suivante. Soit vous y allez, donc vous faites la guerre, exclusivement. En tout cas, vous prenez pour cible ces gens-là surtout. Quitte à ce qu'il y ait malheureusement des dégâts collatéraux, puisque ces gens-là prennent leur population en otage, hein, empêchent les 400 à 500 000 Syriens prisonniers dans la Ghouta d'éventuellement partir, conformément à ce qui s'était passé à Alep il y a un an. Donc ce sont des gens extrêmement méchants, hein, là-dessus il n'y a pas de problème. Donc soit vous les visez particulièrement, et vous faites la guerre de manière entre guillemets honorable. Soit vous tapissez la Ghouta de bombes, comme c'est le cas aujourd'hui de la part de Assad, et vous considérez que ces 500 000 personnes sont toutes des terroristes. Moi, je pense que si Assad et Poutine avaient vraiment voulu faire la guerre au terrorisme djihadiste et au salafisme dangereux, ils y seraient allés au sol, davantage au sol. C'est-à-dire que l'armée d'Assad, et après tout, pourquoi pas l'armée de Poutine, s'ils veulent aller au combat contre les djihadistes, eh bien, ils peuvent y aller et réduire la Ghouta, un petit peu à la manière dont l'armée irakienne a réduit Mossoul. Alors, ça a pris du temps, mais finalement, on a réussi à l'emporter en faisant des dégâts, malheureusement, humains importants, mais enfin, en ne se comportant pas comme messieurs Assad et Poutine se comportent aujourd'hui à la Ghouta. Dernière question, Frédéric Ancel. Comment cela va-t-il se terminer? Parce que ça fait longtemps qu'on discute, vous et moi, à ce sujet. Vous avez dit d'emblée, dès le début de cette guerre, qu'Assad ne partirait pas à un moment où tout le monde pensait que bon, c'était fini pour lui. Et on voit maintenant, beaucoup pensent qu'il est aujourd'hui le vainqueur de cette guerre. Au-delà donc de toutes les atrocités commises, il aurait un avantage stratégique évident. Qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, oui, je vous remercie de le rappeler. C'est vrai, j'ai toujours considéré qu'Assad se maintiendrait au pouvoir, puisqu'il avait l'alliance des Russes, il avait l'alliance du Hezbollah qui se trouvait à quelques kilomètres de là. De plusieurs minorités l'ont toujours soutenu et continuent de le soutenir. Pas seulement, bien sûr, son clan alaouite, mais également un certain nombre de chrétiens, de chiites, les Druzes, bien évidemment, et même d'ailleurs certains sunnites. Bon, ça, oui, bien sûr. Et Assad, de fait, a remporté la guerre. Il a gagné grâce à ses alliés puissants. Assad restera au pouvoir, mais il restera au pouvoir uniquement sur la Syrie utile, entre guillemets, géographique. C'est-à-dire que l'échelle des villes, hein, Damas, Homs, Alep et bien sûr le Hama et l'attaquer. Enfin, ce qui est intéressant pour les Russes, c'est-à-dire en fait le bord de mer, hein, la façade maritime méditerranéenne, ça, très manifestement, ça lui reste. Et c'est l'essentiel. À mon avis, Assad ne récupérera jamais la Rojava dont je parlais, c'est-à-dire l'extrême nord de la Syrie, qui est aux mains des Kurdes, hein, que les Turcs le veuillent ou pas. Il ne récupérera pas, il n'en a plus les forces, l'est du pays, largement désertique, mais également un peu pétrolifère tout de même, habité exclusivement par des sunnites, qui lui ont toujours été très hostiles, et qui sans doute, vraisemblablement, se rattacheront à l'ouest irakien, démographiquement tout à fait identique. Donc oui, il aura gagné une victoire un peu à la Pyrrhus, parce qu'il a perdu plusieurs millions d'habitants, de réfugiés. Beaucoup ne reviendront pas, parce que beaucoup de ces réfugiés ont fui Assad, et non pas ses opposants, et il restera au pouvoir, et il y aura une Syrie, je crois, morcelée, balkanisée, comme l'est le monde arabe aujourd'hui, hein. Et si vous m'accordez encore quelques secondes, eh bien je vous le dis, le monde arabe, il est balkanisé, il est morcelé depuis 1991 avec l'effondrement de la Somalie. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Soudan coupé en deux, ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe en Libye et peut-être même dans d'autres États arabes. Je pense à l'Égypte qui est en train de perdre une partie du Sinaï. Et cette balkanisation, la Syrie en est aujourd'hui l'illustration la plus cruelle, la plus violente. Et pourquoi ça aura été plus cruel et plus violent en Syrie qu'ailleurs? Eh bien parce que c'est en Syrie que vous trouvez la conjugaison des deux éléments de la guerre civile du monde musulman aujourd'hui, c'est-à-dire sunnite contre chiite et nationaliste contre islamiste. Merci beaucoup Frédéric Ancel. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Mon dictionnaire géopolitique aux presses universitaires de France. Superfell a été gâché par Anaïs Isebaer, piétiné par Victoria Asper et littéralement pulvérisé par Alexandre Fougeron. Superfell.